are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. Radio without boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota, and we will ask you to have, if you have questions or comments, call the studio while the music is playing at 612-341-0980. I'm Olaf, and I'm all alone today. Well, with my excellent sound engineer, Hello. Angela. Hello, Angela. And so we will present the program of RFI, Radio France International, but we have two announcements to make before. KFAI, as well as the city, state, and country, is holding elections this fall. Listeners and volunteers who are eligible to vote will be getting ballots in the mail. Along with the ballots, you'll receive instructions on how to vote. You can use the paper ballot or vote online. Look for your mail from KFAI in the next few days and give consideration to the slate of candidates. Your vote is important, both to select members of our board of directors and because it represents in a concrete way that the station has active supporters. We also need a quorum of voters from our volunteer body. You can find more information about voting in KFAI elections at kfai.org. Don't listen to the Wave Project this Sunday morning unless you have brave ears and an open heart. The program's called Divas. We'll be listening to and discussing examples of female vocal prowess. We'll start our journey with Grace Slick. We'll conclude with the end of the world, everything in flames, and then the River Rhine cleansing all. We dare you to take the red pill. We dare you to stay till the end. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, Radio Communautaire, KFAI 90,3 à Minneapolis et 106,7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Mon nom est Olaf et mon ingénieur de son est Angela. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Et si vous avez des questions ou des commentaires à faire, veuillez bien nous téléphoner au studio à 612-341-0980 pendant que la musique joue. We are going to start out with a chanson by Edith Piaf, because no program of Bonjour Minnesota is complete unless we have heard Edith Piaf. So we will hear this, and then I will say a few more words about the upcoming program. To actually move into something by Camille. All right. So obviously, I mean, we may have a program without hearing Edith Piaf. We'll so try a little bit later. We will try. So now what we're going to talk about is Mélie Mélodie, et c'est écologie et chanson. Donc, on parle de la réchauffement de la planète, des marées noires, la contamination radioactive, épuisement des ressources naturelles, phénomènes climatiques bizarres dont on a eu la preuve il n'y a pas longtemps à New Jersey, à New York, et une baisse de la biodiversité. We're hearing about global warming, oil slicks, radioactive contamination, dwindling natural resources, bizarre climate phenomena, which we not here, luckily, but which was seen on the East Coast in New Jersey and New York. So,

faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Through the earphone. You just heard two songs that deal with the environment. Camille, Aujourd'hui, Today. Camille actually is a graduate from the Sciences Po, from political science studies, and which is quite a prestigious institution in Paris. And she has been considered to be extremely creative and intelligent. And so her concern has been that with the world, with the state of the world. And the song, that was a very short song, but you could hear how she was kind of breathing hard, talking about this is the most beautiful planet that we're on. This is where there is beauty. This is where there is a nice environment. And she gets more and more excited because she's seeing that this environment is disappearing fast. And so towards the end of her song, it's really just kind of panting and showing extreme agitation. The next one is a little bit more to the point in actually stating the situation. It's by Mickey 3D. It's called Respire, Breathe. And Ricky was a 3D was one of the most emblematic bands in the 2000s, and it was hitting. Their hits had a lot to do with ecologically minded songs, of which Respire, of course, is one. The album is called Tu vas pas mourir de rire. You are not going to die laughing. And obviously, this is kind of a play on words. And what he sings about the history of people, sings about how they have polluted the planet. Even the deserts are polluted. And then he says, "What am I going to tell my grandchildren?" And they will say, "Who did all of this?" But so he then continues singing. Well, you need to breathe. You need to breathe. You need to breathe this air. You won't die by laughing. So he looks around and sees the stunted trees. He sees the environment, and obviously, this is not a very joyful vision that he sees. But the rock group—it's more or less rock group, not very hard rock. I mean, as this. Song seems to testify. So has been doing a lot of songs in this genre. So now we are going to nous allons écouter encore deux autres. La France, une Française, Barbara Carlotti, Pour la nature, et Barbara Carlotti a étudié au conservatoire, et puis son premier album est paru en 2002, et avec pas mal de coopérateurs, et elle a été récompensée par un prix de l'Académie Charles Cros. Depuis ce temps-là, elle a produit pas mal d'albums. Entre autres, l'idéal, d'où est tirée cette chanson-là. Et puis le deuxième, c'est San Severino, La mer, the ocean.

pêche sans espoir des poissons, sans canon, à pêche sans hameçon. En mer, tout peut encore changer. Sur terre, tout peut aussi changer. Piétiner sur place ne sert plus à rien. Piétiner sur place ne sert plus à rien. Et ça m'énerve. Garder mes idées noires, je bois des bières blanches bien glacées. Je montre la mer du Nord du doigt, le plat pays qu'on voit chanter. J'oublie l'argent des marées noires, j'englue des ailes meurtrières. Je vais remplir mon réservoir de des ailes meurtrières. Piétiner de rage ne sert plus à rien. Piétiner de rage ne sert plus à rien. Rien, ça m'énerve. Je mate de la lune la planète. Devenir la planète des gueux, lasse que tous les jours on s'oublie. À lui, Tchernobyl et la vie. Ne sert plus à rien. Piétiner de rage ne sert plus à rien. Et ça m'énerve. Programming on KFAI is sponsored in part by Jimmy John's Gourmet Sandwiches, located at 2037 Riverside Avenue, providing subs, clubs, and catering to the University of Minnesota, Augsburg College, and the West Bank of Minneapolis. More information is available at 612-344-4444 or online at jimmyjohns.com. We heard Barbara Carlotti, Pour la Nature, For Nature. And she sings about the two faces of nature. She sings about faces have turned gray. She says there's no tomorrow. There are no roads. There, you look around, the flowers are gone. And so she really laments the state of the environment, and she says we have to put color back into nature. We have to see that we get flowers back into nature. And she is basically, I mean, looking at, well, a somewhat drab future, and but with the hope that at least people will wake up and remain or keep the earth a place with flowers and colors. She actually studied at the Conservatoire, and then with the producer Bertrand Burgala, she started releasing albums in 2002, and has been playing and has been both playing live as well as turning out more albums one after the other. So, and she is said to be the most elegant of contemporary chanson française. Well, we heard her voice and it sounded very nice. The next song is by San Severino, La Mer, the ocean or the sea. And he, of course, sings about the sea and the ocean. He has been part of the committee for the support of Greenpeace. Of course, started out as in many of the activities that had to do with sea and environmental problems that were spotted in the sea. Anyway, he says he sits there and fishes without hope. He won't get any fish. He hopes that maybe going out further, he may find something to fish, but basically is very much pessimistic. And then he talks about an oil slick that is on the sea, and continues to sing "Ça m'énerve." That upsets me. This upsets me. So, well, that's enough to. If you listen to those, it's enough to upset you too. So here we go, and we will have three more songs, and this is all, of course, this is a program that was put together by RFE, and it's a program that programming by RFE then is managed by various collaborators of RFE. And this one is specifically done in order to focus on the environment. Do we have any further announcements right now? Or okay, so then now we can go. We'll go and listen to the following three. By Hachi Lazaro, La Terre ne s'use que si on s'en sert à tort et à travers. Et donc l'auteur est auteur et compositeur, chanteur et musicien, et il est aussi un producteur de ses propres chansons et aussi du théâtre. Il est artiste et il a créé un groupe avec Boucher dans les années 86. Il a lancé du rock alternatif. Mano Negra, Paris Combo, qu'on a joué ici aussi, je veux dire, qu'un Paris Combo dans notre programme. Et donc, ceci album est en solo, et il parle, c'est le Contre-Courant, qui est paru en 2004. Le deuxième, c'est Jeanne Chéral. Cette ville n'est pas une ville. Donc, elle est chanteuse atypique. Elle paraît en 2001, son premier album, autoproduit. Et puis, elle enchaîne une longue tournée en piano-voix qu'elle a fait connaître dans tout France. Et depuis 2004, elle sortit d'albums. Et puis, elle fait du théâtre, le cinéma, dans les courts-métrages. Et elle intervient dans les disques d'autres artistes, Brigitte Fontaine, Barbara Carlotti, Benjamin Biolay, donc toute la comment dirais-je, la crème de la crème de la chanson française. Et le troisième, ce que nous allons écouter, c'est Alain Bachung, le dimanche à Tchernobyl. Et Bachung, on n'a presque plus besoin de l'introduire, il est très connu. Il a fait un album, L'Imprudence, c'est le 11e depuis 2002. Et puis, il se soucie de l'avenir, de l'âge, de l'angoisse qui vont évoquer les catastrophes écologiques. Donc, nous allons entendre ces trois chansons. Haji Lazaro, La terre ne s'use que si on s'en sert à tort et à travers. Jean Chéral, Cette ville n'est pas une ville. Et Alain Bachung, Les dimanches à Tchernobyl. À travers comme une vulgaire serpillère. La terre s'use, que si l'on s'en sert, à tort et à travers comme une vulgaire serpillère. Qui aurait cru qu'Adam et Ève allaient croquer les pommes remplies de produits chimiques? Un pétrolier qui fait pipi dans la mer, sans tirer la chasse, c'est si j'ai dit. Si tu pollues ton voisin, il sera mal en point, devient un proverbe systématique. Comment tu le perds, tu si maladroit, pour faire un monde aussi pourri que celui-là? C'est pas lui, la terre ne s'use que si l'on s'en sert, à tort et à travers comme une vulgaire serpillère. La terre ne s'use, que si l'on s'en sert. Si on avait su George W. qu'elle avait un mauvais goût pour lui en bouche, serions-nous les découvrir l'Amérique? Les icebergs deviennent tout rikiki, recroquevillés dans l'Antarctique. Ah, la couche d'ozone a chuté, oui, parade, le tube de l'été sera chimique. Comment tu le perds, tout si maladroit, pour faire un monde aussi pourri que celui-là? C'est pas lui, la terre ne s'use que si l'on s'en sert, à tort et à travers comme une vulgaire serpillère. La terre ne s'use que si l'on s'en sert, à tort et à travers comme une vulgaire serpillère. Sur la table, les derniers verres posés sur ce qui reste de la nappe phréatique. Si j'avais su, je serais pas venu. Devient le nouveau message public. On ne le voit pas, on ne possible a-t-il, peut tout détruire. Il n'a pas d'odeur, quelle est sa couleur? Quand on ne sait rien de ce qui nous attend, on ne fait que rester vivant. Cette ville n'est pas une ville, c'est une terre tachée. Et depuis combien sont-ils à y avoir marché et respiré comme un murmure le pire des poisons, celui que n'arrête aucun mur, aucune cloison. Cette ville n'est pas une ville, c'est un mystère entier. Enterré en douce, une forêt rousse. Combien de volontaires à cette guerre d'un autre âge? Combien de bras slaves et de mains esclaves? Quand on ne sait pas bien ce qui s'est passé, on n'arrête pas d'y penser. Cette ville n'est plus une ville que dans les souvenirs, suicidée sous les missiles de son bel avenir. Ce noyau si cher, si précieux pour le bien des hommes, les fait mourir à petit feu, les dissout, les gomme. Cette ville n'est plus une ville. Cette ville. Dimanche à Tchernobyl, j'empile torchons, vinyle, évangile. Mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. Dira encore longtemps. Bien après la fin, tu m'iras, dira encore longtemps. Au-delà des portes closes, le dimanche à Tchernobyl, j'arrange le soleil, j'arrange les sardines. Dans la rougeur des canaux, à la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, un de l'or. Tu m'iras, diras encore longtemps, bien après la fin. Mira dira encore longtemps. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchons, vinyle, évangile, sortir en amie, en ciré, sortir du chapeau, comme à l'accoutumée, tu m'y ravieras encore longtemps. Le dimanche à Tchernobyl, so we heard Haji Lazaro in La Terre ne se juge que si on est, si on s'en sert à tort et à travers. This is again a play of words. The world or the planet is not abused unless one uses it and wrongly and in some kind of a counter in some way that you essentially counter any logic or any sensibility. So he sings about about the earth, about how not to abuse the earth, and basically I mean that's his message, and he is what he is. He has sung with many other groups and is very well known in the crème de la crème of the French chanson. And the song comes from a album à contre-courant, in the against the stream or against the current. The next one was by Jeanne Cherhal. And cette ville n'est pas une ville. She sings, this town, this city, is not a town. And she sings about, apparently, some catastrophe has happened. The walls are not standing anymore. It's the coffins are sitting around, and there is no one in the streets. And so she sings about this terrible, catastrophic, doomsday landscape. And she actually is not only a singer, she's also writes theater, plays in theater, and in films. Many of them are short films that she's been doing, and she has been cooperating with Brigitte Fontaine, with Carlotti, and Biolay, and other famous stars. The last one of this set was Le Dimanche à Tchernobyl by Alain Bachung. And so Sunday in Chernobyl. And of course, we know what happened in Chernobyl, and he contrasts something of the ordinary things that may have happened or may the way the life was before or just before the accident happened, how people go out to dance, how they don hats and walk in the streets. And then you hear very disquieting sounds about how something like a siren going off and then explosions. So he is really trying to use the contrast between what happened before, what happened under normal conditions, and then what's going on once the accident has happened, and how you are left with a disastrous situation. So again, this is somewhat of a dark album called L'Imprudence, and in which she sings about this and other cases of ecological disaster. He is considered one of the best singers in France, but he's also one of the darkest in this lineup. So let's have another two, because we're getting close to the top of the hour, and we may have some announcements to be done. So the next two is Alain Souchon avec Pardon, et donc ça s'est tiré de son 10e album au Rat de Paquerette. Et puis, on va écouter Bernard Lavillier, État des lieux, qui a été aussi qui est sorti d'une de ses expériences où il a particulièrement traversé l'Amérique du Sud, surtout le Brésil. Et on va voir ce qu'il a à dire sur l'état des lieux. T'as tombé petit, t'as tombé petit, t'as sans petit bé au pied du piéton, une armée sous ses cartons. Petit, t'as tombé, à quoi as-tu succombé? Petit, ta vie pas sucrée, oh petit tas de secrets. On dirait que le ciel est nerveux, que le soleil se sent morveux. On dirait que le ciel a peur d'eux, que le soleil se sent merdeux. Petit ami là, sans tatami, sans matelas, une odeur de cendre, une vie sans valeur marchande. Jolie passante, Mercedes éblouissante, de honte qui monte. On dirait que le ciel est nerveux, que le soleil se sent morveux. On dirait que le ciel a peur d'eux, que le soleil se s'emmerde. Ancien bébé rose, amoureux au bouquet de roses, dans ce monde équivoque, on est gêné quand on t'évoque. Petit à tomber, petit à sans petit b, attention piéton, une âme est sous ses cartons. Petit à tomber, petit à sans petit b, petit à tomber, petit à tomber. On dirait que le ciel est nerveux, que le soleil se sent morveux. On dirait que le ciel a peur d'eux, que le soleil se s'emmerde. Petit à tomber. Je vois des grandes Tchernobyl en puissance. Je vois des animaux clonés. Des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas ceux qui payent l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature a su, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? It is now exactly, well, 1 minute to nine, and you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the program we are presenting is Bonjour Minnesota. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 Saint Paul, Radio Sans Frontières. So you heard two songs, the Alain Souchon in Pardon, Sorry, and Bernard Lavillier in The Statement of the place, statement of what you see in various places. So Alain Souchon talks about I hope you're not getting too depressed. I mean, the entire suite of chansons deals with environment and environmental abuse. So he sings about sorry rain, sorry land. The day dreams of being in nature. The wind loves the children. Sorry, and he is upset. But obviously, I mean, things have happened that are not very conducive to a healthy environment. Well, then the second one, Bernard Lavillier, a statement of the situation, again sings about nuclear subs, about going to war, going behind. According to blind propaganda. And then he sings about the ocean, about cities that are being flooded. And, après nous le déluge, I mean, this famous word by Louis XIV, after us the flood, so we don't care what happens after us. But he obviously does. And so he has produced a number of albums. And actually, he, case who has been incarcerated in Brazil because of not respecting, I mean, the kind of silence that the government, and this is in Brazil, expected of him. So these were the two songs by Alain Souchon and Bernard Lavillier. We need to give you a little bit of information about what's happening in the Twin Cities, and obviously the one large provider of programs and everything French is the Alliance Française in Minneapolis. Their number is 612-332-0436. And this starts out with, actually, this is on Thursday. We have La Nocturne, an evening open house in which you can sample various programs, various activities at the Alliance. And this takes place from 6 to 9 on Thursday, November 15th, at the Alliance Française. Where French culture meets the Twin Cities. Well, and you can go and meet French culture there. There are mini sessions that are open for registration between November 26th and December 15th, so you can refresh your French with the short three-week courses. You can take placement tests and so on. So again, you can register by phone and find out more about this at the number that I just mentioned, which is 612-332-0436. And there is a whole lot of other programs. There are 3 weeks of French classes for children. There is the chanson chansons d'hiver, in which children are instructed on how to sing French Christmas carols and other carols of this time of the year. This is from November 26th and December 23rd, and it takes place at from 4:30 to 6 p.m. Saturday, December 8th, from 3 to 4. So, more to come from Alliance Française. You have actually also have discounts. So the AF members have a discount. Have discounts at the Dakota Jazz Club that present Caravan of Thieves and Dorado Schmidt on November 14th and November 19th. So just indicate that you are a member. There are various programs for reading, but we'll come back to that after we are doing the next two chansons. These are Maxime Le Forestier, Comme un arbre, and then Georges Moustaki, La Grèce, Il y avait un jardin. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Des autos qui fument entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre. Béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami. Après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville. Thank you. béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la la. Have too many CDs and vinyl LPs? Do you need to give your music collection a nice purging? KFAI is also accepting donations of CDs and LPs of all genres for the record sale through Wednesday, November 14th. All donations are tax deductible and can be dropped off at the KFAI station, 1808 Riverside Avenue, Minneapolis 55454. The KFAI Fall Record Sale starts Friday, November 16th at 2 p.m. at the Midwest Mountaineering Outdoor Adventure Expo. For more information, you can visit kfai.org. Do you like the promos you hear during KFAI programming? Ever wonder how they're made? Would you like to get involved? Join KFAI's Cart Crew in Studio One every Wednesday, 7 to 9 p.m., or on Saturdays, 3 to 5 p.m. For more information, please contact Program Director Miguel Vargas at miguelvargas@kfai.org or at 612-341-3144, extension 20. Maxime Le Forestier, comme un arbre, like a tree. Maxime Le Forestier was one of the first singers that considered to sing about ecologically minded songs. And this dates back to very early San Francisco, an album, in 1972. And he has been singing about ecology and about the situation of the earth. Comme un arbre deals with, it's like a tree. It's like a tree. That's what we have to watch out for. It's a tree between concrete and asphalt. It's a tree that is, respiring fumes of automobiles and so on. And it's not with its friends or with its counterparts in a wood, in a forest. No. So here they come and, destroy the last few trees, even those that are within the city and that are kind of isolated between concrete and asphalt. So it's but the tree has not yet been sacrificed, but soon there won't be any trees around, and the trees being the symbols of nature. Georges Moustaki in Il y avait un jardin, there was a garden, there once was a garden, and this garden was earth, he says. And the sun was shining in this garden. There was a house. There was a tree. There was a little brook passing by. And this was it's an idyllic picture of a landscape and of a garden and of a house of his grandparents, in essence. Now he's looking for it. Where is this house with the open door? Well, I can't find it anymore, he sings. Georges Moustaki actually performed some of Maxime Le Forestier's songs, the one that we just heard before him. And then he also wrote songs for Edith Piaf, for Barbara, Yves Montand, and a large number of the very well-known French singers. So with this, I will finish off a few announcements that are still outstanding here for the Alliance Française. So we have on November 17th from 2 to 3, we have Book Club for Beginners. And this takes place from 2 to 3, as I said, at the book is Petit Nicolas. And you can read the various kind of selections, and in this case, it's Le Vélo, the bicycle. You will also be able to hear an inaugural concert at the Alliance Française. Imagine they're celebrating a new Steinway piano, and this will take place again on November 25th at 3 p.m. in the Grande Salle. And who is playing? The program is Jim Riley, plays piano, and both Cécile Chaminade, Claude Debussy, and French songs by Ivan Peralta. And entrance. I mean, you have to pay for the entrance, but again, if you're a member of the Alliance, you get a discount. And finally, we have Ciné Club. No, we don't have that. That's already done. We have, the Jeune Cadre Dynamique will celebrate the Beaujolais Nouveau on Thursday, November 15th, between 6 and 8 at the Jet Set Bar. So the arrival of the Beaujolais always is a big occasion and a big deal. I think this is about what we have to say about the Alliance Française, and let's hear the next songs, which are Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, et Nino Ferré, La Maison Près de la Fontaine. And finally, Michel Polnareff, Qui a tué grand-maman. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui Il sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur. Ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur. Ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Thank you. les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir avec les petites filles. A fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès. That's full of great karma. but it might be time to let it go. Send it to its next life in style. Donate it to KFAI, and we'll turn it into the programs you love. To donate your car, call 855-277-2346. Or go to KFAI.org. KFAI, listener-supported radio. Once the mythical Orpheus lived in the Balkans. Experience the enchanting music of this region. Immerse yourself in a fast-paced and complex rhythms. Embrace this unique, fascinating music with Nikolai at Balkan Jamboree. Come, join me every Tuesday from 10 p.m. to midnight here on KFAI. Now we have a sequence of three chansons which actually evoke nostalgic feelings for nature, for the little gardens, for the little green spots. The first one, Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, the little garden, in which he sings about, it's basically describing how nice these gardens were. It was a garden in the Paris basin, I mean, which is the sedimentary rocks and the basin around Paris, in which the suburbs and the outlying towns are situated, in which many, many gardens were kept and around houses, and they were kept up and planted. Flowers were growing, and now he says that you could smell the nice pine trees that were in the garden. You could smell the flowers. And then one day a developer passed by, and so he pleads with him, please, Mr. Developer, don't destroy my flowers. Don't touch my garden. But, well, the way things are going, I mean, now the garden is gone, and it's a parking space in which cars are lined up like sardines. And, that's the end of the story. So this especially is states back to the 70s, 80s, in which years France had a booming building industry, booming bubble, essentially almost, of building and both houses, high-rises, motorways, and the outskirts of towns became, well, in the sense of, in the view of Dutronc and his followers, I mean, ugly places to be in. The next one, Nino Ferré, La Maison Près de la Fontaine, the house near the fountain. Well, it's describing a yard, it's just describing a garden, it's describing the surroundings of a little house where there also was a brook, source of water, a spring. And in the spring, the birds were bathing in the water. Crawfish could be found and fish. And now there are high rises all around. There's concrete around. And, what else can you say? I mean, it's a replacement of charming places like this by questionable urban developments. Well, they seem to have really have it in for the developers and the urban ugly spread. The last one by Michel Polnareff, Qui a tué grand-maman? Who killed grandmother, or who did grandmother in? And here again, basically, it all deals with the same story. I mean, the gardens, the little places, are being transformed into parking spaces, into high rises, big HLM, meaning projects, and so on, in the ever expanding suburbs. And so then he comes to the end of, in Grandma's day, there were silence to listen to. There were branches on the trees, and there were leaves on the branches. and birds were singing in the leaves, and the bulldozers killed Grandma. Well, kind of tragic and somewhat ironic. So this concludes the selection of songs by RFE on the environment, on ecology and the environment. And we will listen to a few other ones that come from a program 100% Français. But before that, let me give you a few, news items from France. So we all know what last Sunday, the 11th, was, it used to be called Armistice Day. And François Hollande, the president, rend hommage aux morts de la Grande Guerre et aux tous les morts pour la France. Le président François Hollande a célébré ce dimanche matin la cérémonie du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, en rendant pour la première fois hommage à la fois aux morts de la Grande Guerre et à tous les morts pour la France, à l'occasion du 94e anniversaire de l'armistice de 1918. Et pour la première fois, le 11 novembre, le chef d'État a rendu hommage particulièrement aux 13 soldats français qui sont morts en Afghanistan depuis le 11 novembre 2011. C'était une cérémonie, comme tous les années, mais quand même, cette fois-ci, c'est pour la première fois que ce n'était pas seulement centré sur la Grande Guerre de 14 à 18, mais à toutes les guerres et tous les morts, inclus les derniers tombés en Afghanistan. Hollande, il a donné sa première conférence de presse au Palais de l'Élysée, à peu près 400 journalistes français et étrangers. Donc c'est la première fois depuis qu'il est président, ça fait quoi, 5 mois, 6 mois à peu près. Et il a essayé de énoncer les problèmes de la République, et pour lui, c'est la dette publique en augmentation, le chômage en hausse, constante depuis 17 mois, et la croissance à l'arrêt et décrochage de productifs incontestables. Donc il a quand même pas mal de problèmes à résoudre dans les 5 ans qu'il va être président. So, what I was talking about has to do with the president of the Republic, François Hollande, gave a speech and was involved in the ceremony for November 11th, Armistice Day, at the Arc de Triomphe, in which the tomb of the unknown soldier, of course, is a centerpiece for this type of a ceremony. But this time around, it was not only for the soldiers of World War I, but for all of the wars that France has been involved in since then, and including 13 soldiers who died since last year's 11th of November in Afghanistan. So Hollande is extending this a little bit further than the original observance of Armistice Day. And then, of course, he gave his first press conference in front of about 400 journalists from France and elsewhere. And he announced the three big problems that they have to face, and that France has to face, and that is the public debt and problems of people being out of work, and the lowering of the or production in general, or the stagnation of production in France. And these are the three problems that he has to deal with as much as possible in the 5 years that he is a president. All right, so now we will be going to a next set of songs, and these are, we will take two by Émilie Loiseau, Mothers and Tigers, and this is Tiger, and the second one is Vol le chagrin des oiseaux. These two are part of a collection that that RFI produces, and it's in particular it's Clémentine Desroutilles who puts together the 100% français, which are songs that have been produced and are totally allochthonous, the meaning they come from France and deal with French problems. So Émilie Loiseau is a has actually comes from a area of France, or lives in an area of France, l'Ardèche, in the southwestern part of France, in the unspoiled countryside, and so far away from Parisian hustle and bustle. And she composes her songs. So we will hear these two songs, Tiger and Vol de chagrin des oiseaux. Regarde-moi du flot, du sang qui coule sous ta peau. Je prendrai deux bouts de bois entre mes doigts, je les porterai en flambeau. Je réchaufferai la terre et cueillerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sur ta peau. Vole le chagrin des oiseaux vers la ville de hommes et ses lambeaux. Vole le chagrin. Comme elle est raide la côte, comme elle est haute, la cime de l'arbre dans le ciel blanc. Si ta douleur est profonde, quand la nuit tombe, moi je m'allongerai dedans. Je coucherai sous la terre, à l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront. Il était un homme libre qui disait de tenir debout dans le sang, d'attraper la foi sauvage des sorciers, la rage pour tenir longtemps. Mon poème n'a pas de mots, il a le son du tonnerre et de son éclat sur la pierre. We heard Emily Loiseau in Mothers and Tigers, and the song was Tiger with a Y instead of an I. And then we heard her in Vol le chagrin des oiseaux, Fly Sorrow of Birds. Emily Loiseau is, well, she lives in the Ardèche, which is a very somewhat remote part of France. And in contrast to the previous set of songs about the environment, there she is in a stone house or farm, in a tranquil environment, and it's very far from Paris and very far from the concrete and asphalt. And that's where she finds the time and the quiet to compose and to be inspired by poets. She writes very lyrically, and in essence in the meantime, since her last album, she gave birth to a baby, and sings about, of course, the one song is dedicated to this baby, to her little beautiful baby daughter. So that was Emily Loiseau. And before we go into the next one, I would like to say something about Give to the Max Day, which is you can actually give to the Max Day in for KFAI. So Thursday, November 15th, is the fourth annual Give to the Max Day, inviting donors to support the organizations they love through the GiveMN website. So it's a way if you can go to the web, givemn.org, and then give money and indicate that this is for KFAI. And there are possibilities. One, that you actually can win something if you give, but then much more importantly, you can put KFAI on the leaderboard to win $2,500 or even $5,000 for the most number of donors that are giving to this nonprofit. So KFAI will be profiting from this effort of sustaining KFAI to support broadcasting and to support the music in all genres that are coming. The traditions of KFAI will be helped if you give to the Max Day. So please consider that. This is on November 15th, which is Thursday, right? Exactly. So let's see. Now we are ready for two more songs by in the collection of 100% Français, and that is Gérard Rinaldi, Le Piano de la Plage. Et Gérard Rinaldi est un des chansonniers très, très connus. Il est un des trois Charlots, c'est-à-dire des comiques en France. Donc il va chanter Le Piano de la Plage. Et la deuxième chanson, c'est Trio, qui s'appelle Christophe Mali, mais qui a pris le nom Trio. Dans la chanson La Diffalée. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur. Dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore à toi, domicile. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. C'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblant ému, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, j'en sais trop rien.

Jamboree.